ko suki satine bana kao likambo moto akokana nzamba ko suki satine bana kao mobali nanga longola ngai susi na motema o tata na bana ponyo komoni sangai pasie mbongo na yo mesana ko bebisa na ambiance Zakomba poya to sala na kamabeo mabeto ko sala na kayango peto ko futa kana yeo Tu se paye ici ba o mama Tu se paye ici ba o mama Pobase kakao Balo baka mwasi asala kamwasi asangoe Biso basi tolinga masolo ya boyeo Batongo kope bala kisaka ngai nisapie Nzakumba boya to sala na kamabeo Mabeto ko sala na kayango peto ko futa kana yeo Bola muto sala na kayango peto ko zwela kalifuta e Tu se paye ici ba o mama Tu se paye ici ba o mama ah. Zira Tu se paye ici ba Moto akokana nzamba kosukisa tine bana kao Mobali nanga longola ngai susi na motema o Tata na bana ponyo komoni sangai pasie Mbongo na yo mesana ko bebisa na ambiance Nzakomba boya to sala na kamabeo Mabeto ko sala na kayango peto ko futa kana yeo Tu se paye ici ba o mama Tu se paye ici ba o mama ah. Na bwana si la lokola savona tika la fulu pamba po base kakao mama o Balo baka mwasi azala kamwasi asangoe Biso basi tolinga masolo ya boyeo Tongo kope bala kisaka ngai misapie Nzakomba boya to sala na kamabeo Mabeto ko sala na kayango peto ko futa kana yeo Bola muto sala na kayango peto ko zwela kalifuta e Tu se paye ici ba o mama Tu se paye ici ba o mama o Tu se paye ici ba o mama Tu se paye ici ba o mama Tu se paye ici ba o mama o mama o Thank you. mama. Tout se paye ici bas au mama oh. Tout se paye ici bas au mama. Tout se paye ici bas au mama oh mama oh. Kaina Paris.